Nanogeste assassin, parce que véritable. Exécution du masque. Marc Gloops. Tête chercheuse sur fourchette, comme au premier téton. Ce n'est pas dire non. Le bout du nez flèche, offrande de gorge. Soumission rassurante à la douceur des muqueuses, proche prière. Opérette de la construction oppressive, omission sur délation. Ne jamais oublier de se manger. Alors les mots chutent, irritation à la goutte de l'évier, et s'avance la main qui d'un revers volontaire dégage tout sur son passage. La main s'épanouit en quête, Merlin un bec, il peut s'y poser, un baiser, cinq ongles, une mèche de cheveux, deux plumes, le souffle, plomb à la rétraction, en excuse de fumer, chercher le ciel, éprouver l'existence de sa propre bouche. De fatigue de déposer de ci, de là, chaleur dans la cellule noire, les yeux mi-clos en gage de carnage, savoir le salut des extincteurs chimiques, l'autre m'endève au plus profond, jeter mon âme au brasier funéraire de la télé, je baise avec les coussins du canapé, pas de faim, trop de vaisselle à faire, changer d'humeur à chaque CD, 2h du matin, je me réveille et cherche mon lit. Ce jour-là, l'oubli en toute impunité, des mots se dévoilent dans l'affirmation. Cela ment sur moi pour se dire vrai. Tendre cravache, Martine écloutée, tout hirondelle crucifiée, avec Don Quixote, avec humiliation. Salope! Le diable salue de son chapeau. Il dit « Pardon !» Maladie chérie, à table, le cyclone se régale toujours. J'accommode ta merde. Du soleil au cœur. 1. Thème, la théorie des reflets. 2. Coin et verticalité. 3. Un homme sur banc et deux portables. 4. Coïncidence à 4 voitures. 5. Établir son propre contact. 6. Savoir un jour pour vivre. 7. L'échelle douce des souvenirs. 8. Au miroir de l'écran, la mélancolie. 9. Les enceintes ont froid de toi. Raphaël est mort à ma place, par passion obligatoire de père. Aussi longtemps que tu voudras, prends soin de toi, le message de mémé. Pas de budget aux émotions et pas de cœur carré au sous-sol. Rappel automatique, personne en ligne. Une bosse au crâne témoigne. Des rites sur répondeur. Vous n'avez pas de message. Fleurs incrustées à la vitre, incroyable bibliothèque de l'instant, technologie surnaturelle, entendre et voir l'interstice. Goéland suspendu au nuage, l'excuse d'un moment indescriptible. Fantastique est l'écrivain, écoutez le vouloir, squelette architectural glacé, cassette pilleuse du signe, blanche vitre et conforme mensonger, évitez le crash après. Trois apparitions assassines. Allô, les salomes bien dans le sein. Célébrer des retrouvailles sur l'immaculé. J'appuie sur la touche. Rien d'autre, est-ce à dire? Par partition sanguine, symphonie terrienne. Parvenir, entrebâiller. Pas comprendre. Marche anéantie d'un jeu enjoué. Briser des balbutiements crépusculaires qui seront terre la mégalomanie de la vie. Fusion sexuelle funéraire, mérite atrique. Le temple est en soi, pas de con. Mon volubilis va de l'arrière. Des chaussures fixent leurs barrières inutiles. L'automatisme à grande gueule. Avoir le courage de prendre soin de ses horreurs. Cerne, attestation spiralise la vie. Dormition maligne à l'océan du haut. Un rythme tous trois fois. La télévision a oublié de brûler. Et croire en l'autrui en nous. Surfant sur le soleil visionnaire. Découpure, argent tubulaire, là, pour de rire, moins un, l'archange se cache sous la fange, à bas, crâne transparent ainsi, à la tige du charme, durant, dévore, lagune donc, passionnément, pas du tout, basculer des pioles partances. La sirène de l'ambroisie est trop valide. Androstérone sointante et vomir en dormant. Nettement la croix, chat noir et blanc, morceau de roue, vision périphérique activée, proprioception au dos, passé, long murmure de la poste d'aurore, cristal corloculaire. À quoi répond le frigidaire? La protection des feuilles, l'encre au papier, là. Toutes formes d'armes sont des déclinaisons de mots, tout au plus un jeu, une survie, une bonne blague. Deux buissons salvateurs, un continent s'élance dans le ciel, pluie de météores, coulée de lave, j'aime bleu, étonnamment creux. Et nacre et l'escargot sur le bâton de pouvoir, illumination en partance de sol, l'œil voleur de Picasso au Népal, démence tire sur les rênes, vider le biberon de l'espace à temps. Ouvre-toi par psyché interposée, vue diffuse, diluée au grand calme, d'ogame emperlée, la caresse cosmique est certaine, reliée au cœur sur la couronne du Dieu, la promesse sacrificielle en transmission de frissons. Voilà, c'est tout, l'œil de l'œuf au bout du syntaxe. La rue de l'étoile bleue pointe le passage 75, une éclipse cérébrale s'y est installée, en triangulation ventée, chant par amour onirique et pousse, pousse les nuages à travers la nuit. Tu les as bien vus? Des centaines de ciseaux, à d'autres, des chandeliers et des miroirs, un énorme neuf à la droite du moulin, aménagé par la dame colorante, rue de l'étoile bleue. En fait, ce que nous attendons est toujours là, sûrement trop près. Le vent le sait, le temps le cache, diffus, le nuage écrit le sceau brillant, arc-en-ciel diffamant le spectre. Phrase hormonale, fréquence à tête chercheuse, mais avant ou pour l'après, il faut s'amuser à ne pas moins pour plus. Des filaments filtrent le néant aimant, syntonisation, passage photonique, sûrement une morsure d'éclair. Bout que dalle et fatale la boucle, répression mousseline nivale, en ciel lactaire, anse vague, mouvante, fredonne la douce nécessité. Tête absorbante et absorbée, fente la contemplation, pas de parc à la frénésie et pas de loup au passage, du pic à la triangulation, une servile sur métrique, quasi effervescente, d'une absence nominée, César erre sur les trottoirs, sous les sognons. Moi le moi, un temps, disait le passage, à l'intérieur. Étalage des serres sur la route, diffamation par arrachage de datura au rond-point, sucé inévitablement de droite à gauche, l'effarement d'une conscience à peine audible à l'alternance des feux de croisement. Les clous sont au plexus, ce que la plame est à l'âme calcifiée. C'est au méténor, main bête, norme, acétone, métrone, même, morale, latone, brèche-moi, ton ma bat se comme moi, le rond tonne et brème le dé, et mon S mène à maman, et moi, rote ta batte, ici c'est maintenant possible, bête, blême, du tome à venir, tricher, s'étonner le ténor, même en bête. Le sel, mer, à moi bascule, y mettre la rime frissonnante, tout, comme le poisson confiant. Capitaine cadavre flambe, importuner l'impôt sur la cornerie, en ultime tradition, engage par esclavage. Esclavage donc, et le noir miroir s'estompe face à l'iris, si souriant. Donne-moi l'envie de fuir afin que la victoire ne triomphe. Trop de sushis, pas assez d'œufs. Même le cristal au soleil, des marées retenues, tel est mon sang, abreuve. Saint, attaque, la copaque, smile accro, love, vloom, avec le vent, pas décevant, ça t'encule vraiment, viens voir maman, synchrodrome, PS, je vous tusse avec mon clos, clito. La mandibule de l'ampoule craque, téléphone, tonne, deux fois, et puis plus rien. Secteur défectueux à cause de vos merdes, des wakements d'adolescentes vierges à insérer. Une magie est dans la mémoire initiale. Le petit train est un malin, cheval de Troie, va. Sage poste au chemin d'accès assassin et dans le cartable bolide des bombes. Catholiques seront toutes vos frustrations soulagées. Filtrez-nous vite car le vent arrive, Qui venez-vous pour prédire l'instant d'après ? Ob à potentiomètre cosmique, à la nique de... Parfois des diffractions parenthèses le sourire de l'iris amnésique par autorisation. Mais la datura veille. Chemin des asphodèles, deux elfes attendent. Dans leur bourse, moult plantes mystérieuses et des escargots sauvageons. Coude et à coude, le compteur électrique les surveille. Je renifle à travers la vitre, agrippé au volant. Un chien m'indique le chemin. Faucon, plus buse, plus poule sauzanne, plus héron cendré. Un crapaud me fait une éjaculation faciale. Les lingues de la nuit a pris feu. Mâchoire électrique et perte de conscience. Dans la tanière, moi, de piste avec grande faim. Céréales harmonieuses du rang, créatures invisibles, sans membres et universellement voyageuses. Dis bonjour aux battants. Folles seront les serres de la négligence. Déjà, leurs ailes de feu s'apprêtent à nous couver. À quoi bon, si ce sont des œufs pourris pour la plupart. Psyché armorial au même titre, le sourire carnassier. Et met en général le slogan d'une longue ligne de faussaires. Mais je m'évente en adoration pour vous, et rien que pour vous. Gâchées sont les chaînes au sommet de la langue noire. Le temps de dire est bien trop long, sans compter celui qui le précède. Ce cachet enflammé, cette sursomatisation luminescente, à l'ordre du trottoir, son doigt, son ongle. Sacré flamboyant aux viscères plastiques, encore des fréquences qui grossissent la masse du minuit. Attente gravitation. Terre façon des masques, je suis costume par absence, l'impossible vérité, rien dans le crâne, la merveille vérité, susurée au sein obscur, évité par le reflet métallique, fer se cache souvent sur terre, les peaux de calcaire et couches glaciaires, les iris tiennent fer. Planète gustative du rang frémissant, des parois frémissement de dents. Ce n'est que de lire sur l'émission mouillée, percussion lancinante à coup sûr lascive, quinquante et déchire des creusets aux cimes électriques, toujours perçant dans le masque. Seules les ondes et ta propre présence prédestinent les saisons, de celle est la leçon. Avise, ni de feu, vif en, close à close et trou d'hypnose, lactée, césure à ce point, objet, à chaque fois, un endroit. Ouest présence se décline, décime la pression de l'iris, prête, pendant, l'officine en sueur, vibre encore, l'aile est là, au point de fusion prénuptiale, à la salive des flamèches, par la parole de l'œuf implosé. Le serpent, sur la pointe de sa queue, prélassement omniprésent, flanché de façon imperceptible, dû au bout de la cigarette, des conforts s'incrustent, doucement, un artisan à la seconde s'épanche, beurré avec ce pain corpusculaire, la mer la matière entre deux blocs de chair, éjaculation tardive, le glissement. Sur chansons de muqueuse mouillée, c'est pareil aux viscères, fume l'angle quatre pattes, graisse gourde. Frottement fructifère et sirupeux, des images se chassent, les kaléidoscopes, le gel se grise et pique le rose, mon doigt a pénétré la bouche. Les trois grues sont alignées dans le vent fonce, la grande hémoglobine. écho perpétuel, l'espace se déclenche. Une phrase s'égrène, stellaire dans le ciel. Dans le ciel sera piquée la glace, sera piquée la glace derrière le globe noir. Derrière le globe noir, quelques dimensions se cachent en tressant le néant. En tressant le néant, un sifflement se triple avec le vent. Ce trip n'a point de statique, point de statique n'était la dite explosion. La dite explosion répand encore son lait. Son lait dénonce ainsi le passé tire sa langue oublie de verbaliser avant. Et voilà que les nuages cèdent sous nos pas, les sanglots éclos au décès, une résurrection pour le cercle en ciel. Les champs en rideaux rouges à l'horizon, s'évanouir apparaît alors comme une promesse. Cela susurre, accompagnant le cri des créatures à peine imaginées. Une grosse grêle se produit, charme grinçant et fugace d'un instant. Le jour, oui, à bout de souffle, flûte le frisson crépusculaire en écho aux merles. L'offrande est insinuation des mystères de l'air. Un doigt après, l'extase suit, dissimulée à la commissure des lèvres. Le bruit que je fais est sur vos bouches. Ces hommes lecture affichée, ordre x 10, entrée en station privée. La vérité est une vision sur l'écran. Autofellation incessante, ménage toujours. Payé en monnaie d'âme le rodateur, grand de forme du gouffre. La constellation des scalpels. Engager mon frère le scorpion. Nourriture égale merde d'araignée. La charpente du désir suinte. Douceur du parfum des menstrues maternelles. Pulsion future programmée. Des lettres palpables au pouls de l'univers. Votre contrat est un témoin taquin. Le gel en poupe. Éclat sonore sûr. Dans ma maison, tout est rose. Mon œil horizontal salive longuement. Je vis doucement seul, en nappe contemplative. Prendre, comme la neige, prendre un son pour toucher. Parotide, glisse l'ongle, symphonie, supamontagne, écho, incarné, l'ange avertisseur, grammadillon, rétro-enclos, jet de gants, à la fenêtre, l'hostilité du noir, décide, la fenêtre, en son sourire, vision parapluie, croissance vivante du miroir, corps absous, entrebâillé. 7h43, attention, je fais le journal de la mort. 7h44, chantonne, décervelé, là où ça gratte. 7h44, voir peut-être et danser devant le reflet. 7h45, l'instant sans fin à l'extase des papilles. 7h45, dos de lit, la tête en quête de tétons. 7h45, indispensable. 7h46, un balancement, puis un mur qui empêche le pinceau des regards. 7h46, vitamine FR en flash. 7h47, une cavalcade de doigts devant le carré de lumière répond au crépitement des céréales. 7h48, des deux coins, le lapis lazuli décide d'apparaître avant de laisser place. 7h49, une crampe invoque le froid. 7h49, cascade de pétales de chocolat jusqu'au bassin lacté. 7h50, les mains mangent. 7h50, ce sont les ombres à peine écloses qui donnent le signal à l'iris. 7h51, la table se garde le temps de dire à la mère du livre la tonte honteuse. Dans l'état actuel des choses, l'empreinte du cercle de pierre demeure le socle des branches à boules. Horizontale est alors la lumière, la naissance solaire est mûre. Musique aux mots et souffle enraciné, un dôme s'adonne au crépuscule, des babilles passent, l'horloge pulse. Lave au ventre, bulle voyage déjà fait, sous l'étreinte de la tante amiboïde, caresse sur cahier, mamelon direct, je suce mon stylo et tire le désir, nerf en as, peut-être un cri, susurrer le signe de l'assassin, la mouille au milieu, serre, glissade circulaire, des pas, puis peau, le doux feu à l'intérieur, métrique aux échos qui giclent, plane le parfum séminal sur la page, dispose des traits, frénétique à tous les orifices, étranglement, coup de rein, explosif, les clapotis du miel, coulisses, que je jouisse 14 fois. Au fin fond de l'humus, la rumeur couvre une verticalité crânienne et vocation aurait dû prendre son nom. Moite et moite, bien plus que la source édite glane, gerbe, la germe syntonique, carrefourée à l'indice des cornes. Virgule terre, des feuilles de pierre parlent encore, la reliure est incertaine. Or ce stock des tocs, autant d'échos de tronc à tronc, fablés de fissures verbalisantes, surfaçon des sens à la résurgence des fréquences. En rapport externe se place la méduse, de façon très générale, mais peut-être matérialisée au moyeu de la roue, ou parfois sans voir, l'instinct étant donné la dernière moitié préside aux labos obscènes. Toutefois, des points dans l'espace à la seule séduction des apparences principielles, car lingual abdicte la bisectrice identitaire. Les questions de gueule, car elle seule peut franchir impunément l'archétype du récit, son désert sablé de désir. Canicule avorte, par le centre, des survivants enfilés à la dure, des ans. Durant, Eliac à la pelote, au pénis, l'osmose chose le gros, vers, don, mon banjo bande de sa crinière, demain, ses volutes fleurissent en cris, mains qui matent, verges et s salive, ses députés l'imutent en brame, car un meilleur mélancolique disent la parsomie du temps. Mais mon terminal doublé en surquinquennat, source l'arcane, au-dessus, une poudre en provenance d'Iris larmoyant. Je suis là, au bord du champ, au cœur, me borde la rivière, me borde la lumière, me borde l'horizon. Les herbes m'ont invité à les caresser. J'attends à l'angle, l'ombre charmante. Elle arrive, mes fluides fusionnent. Nous aurions pu dire le bonjour si nos sourires avaient levé. Le ciel l'a rendu, et à mes côtés, il s'est couché. Le soleil. Thank you. insinuations, 6 sur angoisse des capsules de cœur, 7 fois, fois à soif de bon sens sans raison. 8, c'est la carte qui décide de l'objet, l'objet n'a pas de place. 9, au sein du souterrain, j'ai vu la terre se terrer dans le terre, c'est l'air. Débâclé un claquement lycanthrope, digital épinglé au photon, la cloque est un dôme luminique, ce qui fait sens fausse la cohérence, en tout saigne en œuvre ambivalente, au service la boyeuse fond l'écho, les habitudes prostituent la spontanéité. Là, ici, à ce moment précis que tu oublies, j'ai adoubé mes lèvres au nom de la faille, il faut tringler le pan de la catin urbain, sur la table, une tondeuse cherche les nuages. 7h77, une seconde vient de se moquer des satellites. L'heure pleure. S'épanche la caresse chasseresse, dans une certitude de nulle part où être, un décompte. Oiseur du gel et d'une fameuse joie castratrice, les limites en masque, en cascade, avec la complicité de la lumière, survivent sans prière. Le témoignage de la marge accentue les circonstances aggravantes. Crier dans le vide, en silence, avec comme seul espoir une solitude forteresse. L'instant s'assèche. Tiens, voilà une seconde. Cela exclut les peines, et avec le mensonge pénal, ainsi vient la fin de l'humanité. Une nageoire caudale, une vague caressante, dis nous sauver, songe, tout comme Lazarus. Est-il un monde? Est-il un monde défini par l'humain, digne de ce nom? L'amour aux ailerons frôle l'espoir d'une douceur infernale. La douce heure a pris son ticket au pôle emploi. Des songes sur le bûcher implorent notre pitié, mais la sentence de l'indifférence pollue par simple inconscience. L'adulte a perdu l'enfance, l'adulte a honte de sa prostitution, mais l'oblige à sa descendance. Le temps agonise. Invasion. Jamais votre société ne vous aura amené aussi près de l'enfer. International. Touche pierre, touche vote. Engagez-vous, le monde vous sauvera. Les défenses planétaires sont plus offensives que jamais. L'invasion a déjà commencé. Un hélicoptère a survolé et surveillé Paris le 31-12-12. À l'étau, à la trachée, miettes de lèvres mangées, regard plafonné, mitrailleur, soupir, soupir, soupirail sous, mon cul, soupir, étire, le pouls et les traits respirent, jetés derrière les traits, à l'horizontale, à l'ombre, l'œil armé, à la couture des lèvres et les sœurs inertes, la salle herse, le tout possible, mais le tout est un problème, le tout est sous contrôle. Peu, avec le réel honneur, en chassant le songe pur, mal écrit, le teint et les jeux se branlent à la face de la littérature, qui demeure combattre les bibliothèques universitaires. Chauffé à blanc, 2 féminin de feu, l'encre et psyché, 3. 3. Vouloir s'asseoir sur ses fumées pitonisses. 4. Affiche défilant les désirs aux cieux des cités. 5. La couleur du botte et celle du masque des apparences. 6. Samedi, on dira, des gens se disent heureux. 7. Chaque maillon de la chaîne est une élévation, tôt ou tard. 8. Ces circuits ne prennent leur fin qu'enfin vie vive. Vos habits vous cherchent en colère tous les matins au 9. L'arbre givré a élancé le ciel sous les mille yeux éclatés de la nuit. Des fenêtres, tour à tour, s'ouvrent de lumière. Les chiens sortent leur maître pour aller lire le journal du trottoir, pisser et chier. L'orange attend son relais, danse peu à peu, danse la circulation mécanique. Quelque chose de sûrement bleu arrive. Pour qu'elle vienne du cœur, la courtoisie se lune sans décan. Et 4 et ses 3 corps, lors de la nuit, chantent avec les mains enserrées. Des doigts sur son échelle frigorifient toute forme de radiateur. L'ascenseur est certitude, le nappe de musique possible, à l'égal de toute seule vie. Osamodas distille tofu, Osamodas à saturation implosive, Osamodas bisection d'embryon, Osamodas fouette bouffe tout, Osamodas clone, idem, Osamodas toujours au jus du cocon, Osamodas repose cool, Osamodas l'écho des craqueleurs, Osamodas, m'attend sauveur. Osamodas, cherche Prespic. Osamodas, ouvert mes paroicolo. Osamodas, danse chromatique. Osamodas, groupe Xelor. Osamodas, au chant des oiseaux. Osamodas, combat les arbres qui galopent. Osamodas, au pied de la Vierge. Osamodas, sifflet trois dactyles. Osamodas, invoque le sanglier. Osamodas, égilde à Genèse. Osamodas, le feu ne se cache pas. Osamodas, la barbarie de la spécialisation. Osamodas, un être comme tous, dans un miroir. Osamodas, en attente de la frappe du craqueleur. Mitraille en plein faunon, l'âme éthérée, étouffée, au cloître, au croire, en cœur, criquet pèlerin, cigare l'aile solaire, coup de lune sur plexus, crâne, la sciure des possibles, hypoxie stellaire, je palme mon regard, calme, à l'envie condensée que les lieux humides d'humilité courbent, sigille, se signe, lisse conscience, par trop lettrée. Et toi, au creux de l'arbre, idem, je t'aime, Vénus symphonique, toute fréquence fondue, chante. Chant l'iris de l'horizon décante, les couches surgissantes, des jetées instantanées lacérées par le sable, non pas lui mais l'heure, alors écosse le globe bleu, rire sterne, plonge, nage à rejoindre le ciel, toujours sentinelle trotte et révolutionne quelques clartés, un appel de l'écume au tamaris, souffle, chape lactée, galbe fuyant, le vent, et reprend de posture au fouet des chevelures sensibles. Soit l'urgence poreuse, au bleu stridencé, souligné en l'esquisse des hirondelles, se valide, il sera secret, la tension des aborrations jaugée par pointillisme événementiel, au jus, au carcan, à l'aiguille thermique, décide la décimale. Les canines cosmiques arrivent ou bien dénouées en poupe. Ainsi l'onde, irrémédiablement immobile, vogue par cette suralternance entre le milieu et... résulte alors. Fils des temps rapides au savoir là-bas, la guerre à poursuivre est au fond de soi. Pistez la paix au pas de vos paliers et l'exotisme de vos messages se rêvera comme là-bas. Recette à tradition martiale, épouse de la vengeance engagée, fils de la vitesse temporelle avec ses secrets là-bas, les colons de l'esprit ont envahi votre langage. Libérez l'identité des passages.